La ferme des quatre chênes, extrait des Petits Contes alsaciens, écrit par Jules Girardin, lu par Armen pour audiocité.net. Du temps de l'autre fermier, la ferme des quatre chênes avait une toute autre apparence. Le bonhomme, qui s'appelait de son nom Scheuer, avait reçu des gens d'alentour le surnom de « Tiens bon ». Si le surnom lui venait de ce qu'il tenait bon en toutes choses, jamais sobriquet ne fut plus honorable ni mieux mérité. L'argent qu'il avait gagné à la sueur de son front, il ne le laissait jamais s'éparpiller en fantaisies ou en dépenses inutiles. Il ne le laissait pas non plus dormir au fond de quelques vieux bas. Il savait que l'argent travaille et il s'entendait à le faire travailler. L'idée qu'il avait une fois mise dans sa tête, après l'avoir mûrement ruminée, il la menait jusqu'au bout. Il pratiquait fidèlement ses théories et ses maximes, ce qui est assez rare en ce monde. Il avait souvent à la bouche un mot familier qui lui venait de son père, « chaque chose à sa place et chacun à sa place ». Jamais il n'en démordait. Et tout le monde s'en trouvait bien. Ce n'est pas de son temps qu'on aurait vu une pelle à l'endroit où doit être la pioche, ni une pioche là où doit être la fourche. On ne voyait pas non plus des traînées de paille ou de foin pendre aux lucarnes du grenier et du fenil, comme pendent les cheveux d'une vachère négligente. Rien n'encombrait la cour. Les charrues étaient dans leur coin quand on ne s'en servait plus. Les voitures étaient remisées dans la charreterie. Le fumier était dans son trou et non pas à côté. Les étrilles pour les chevaux étaient suspendues en rang à leurs clous, bien à portée de la main, et ne flânaient pas sur les rebords des fenêtres ou sous les pieds des allants et venants. Vous n'auriez jamais aperçu un valet de ferme s'accotant le dos au mur d'un air ennuyé, bâillant à se décrocher la mâchoire et hésitant entre deux ouvrages afin de n'en commencer aucun. Le charretier était à ses chevaux, le laboureur à ses bœufs, la vachère à ses vaches, le petit dindonnier à ses dindons, le porcher à ses porcs et le fermier à son affaire. Aussi les animaux, pas plus que les gens, ne se jetaient dans les jambes les uns des autres. Et comme toute besogne menée avec ordre se fait en moitié moins de temps, rien ne traînait en longueur. Moyennant quoi, le fermier tient bon était content, et tout le monde s'en ressentait. Bon gage, bonne nourriture, bon traitement, et jamais de ces criailleries qui n'avancent guère l'ouvrage et ont pour unique effet de rendre la vie dure au monde et la maison insupportable. De la route, on apercevait la ferme des quatre chênes qui en était séparée par un ruisseau assez bien fourni d'eau en hiver. On traversait ce ruisseau sur un ponceau bien entretenu. Il y avait deux gros chênes à la tête du ponceau et deux autres du côté de la cour. Quatre en tout, comme disait le père Scheuer, ce qui fait que l'enseigne ne ment pas et que c'est bien ici la ferme des quatre chênes. Les artistes qui, à l'époque des vacances, rôdaient par le pays en quête de sujets d'études et d'objets pittoresques, ne manquait jamais de franchir le ponceau et d'entrer dans la grande cour. Mais tous s'en retournaient désappointés après avoir fait la même remarque. Ils trouvaient la ferme belle, les bâtiments bien agencés, l'ensemble des lignes assez agréable. Mais ils auraient voulu, à cause des effets de lumière et pour la variété, quelques brèches au mur, quelques fentes aux portes, au toit du chaume au lieu d'ardoise, avec des iris au fait et des joubardes et du sédum. En un mot pour eux, la ferme des quatre chênes manquait d'un certain désordre pittoresque. Quand il entendait ces propos, le fermier narquois se confondait en excuses, tout en promenant autour de lui des regards de satisfaction. L'artiste, en s'en allant, se disait à part soi: « Je crois que le bonhomme se moque du désordre pittoresque. » Oui, ma foi, il s'en moquait, et il prétendait que les fermes ne sont pas faites pour être tirées en portrait, mais pour couvrir les gens, les bêtes et les récoltes. Shire avait été souvent primé dans les concours agricoles, tantôt pour ses cultures, tantôt pour ses bestiaux. Il était depuis longtemps hors concours pour les ânes. L'âne était son triomphe. Il savait développer chez cet animal, trop souvent honni et maltraité, toutes sortes de qualités que la négligence des éleveurs et les préjugés des fermiers empêchent de paraître. Quand un propriétaire des environs ou un acheteur de passage à la foire faisait l'emplette d'un shire, c'est le nom qu'on donnait à ces ânes dans le pays, et le père Tiens-Bon n'en était pas médiocrement fier, il savait d'avance que son shire ne s'entêterait pas bêtement au bord d'un ruisseau, ne distribuerait pas de ruades sans rime ni raison, ne se roulerait pas dans la poussière avec sa charge ou son cavalier, ne s'étendrait pas tout de son long dans un passage fangeux. Son secret, qui ne devait être un secret pour personne, consistait à commencer l'éducation de ces ânes quand ils étaient tout petits, à étudier leurs dispositions naturelles, leurs qualités, leurs défauts, à éventer leurs malices, à deviner leurs espiègleries et à les réprimer en temps utile. Les ânons sont comme les enfants. On leur passe trop de choses à cause de leur gentillesse. Plus tard, on s'en repent et on les fait souffrir pour les corriger quand le bon moment est passé. C'est très drôlet, un petit âne, avec son front bourru, ses yeux malicieux, ses caprices inattendus. Au lieu de rire de leurs escapades, sauf à les rouer de coups plus tard, le père Tiens-Bon coupait court à toutes ses fantaisies, sans violence et sans dureté. Il riait du proverbe qui dit « méchant comme un âne rouge ». Il en avait élevé des ânes rouges, et ceux-là, pas plus que les autres, une fois lancés dans le monde, ne faisaient honte à leur instituteur. Malheureusement, comme il arrive à bien d'autres pères, à force de suivre de près l'éducation de ses ânes, il avait négligé celle de Peter, son fils. Le garçon, il est vrai, n'avait par nature aucun des vices ou des défauts qui font trembler les pères et les mettent sur leur garde. Mais il n'avait non plus aucune des qualités qui faisaient de son père un fermier si universellement respecté. Élevé en vertu de la maxime « chacun à sa place », c'était un bon fils, respectueux et obéissant. Mais il manquait d'énergie et de ressort, et les gens du pays, qui sont malins et fins observateurs, l'avaient surnommé « jambe de laine ». Quand le fermier Tiens-Bon, qui ne s'était jamais reposé pendant sa vie, reposa enfin à l'ombre du petit clocher du village, sous une modeste croix de bois, le gouvernement de la ferme passa à jambe de laine. On ne remarqua d'abord aucun changement, parce que les choses, un certain temps, marchèrent d'elles-mêmes comme une voiture bien lancée. Mais peu à peu, on reconnut à toutes sortes de signes que l'œil du nouveau maître était moins vigilant et sa main moins vigoureuse. Peu à peu, on vit tomber en oubli la maxime « chaque chose à sa place, chacun à sa place ». Jambe de laine avait beau être riche, il ne savait pas manier sa richesse. Il manquait d'ordre. Il ne put jamais apprendre à faire tomber l'époque des paiements en même temps que celle des rentrées. Il en résulta que maintes fois il fut gêné au milieu de sa richesse, et demeura, comme on dit, en affront. Ces choses-là vous font un tort incalculable et donnent l'occasion aux voisins de vous juger sévèrement. On cria dans tout le pays, à plus d'une lieue à la ronde, un jour où, pressé d'argent, il vendit l'un des quatre chênes, le plus beau, le plus droit, le plus vigoureux, à un entrepreneur qui cherchait partout, à tout prix, un arbre de moulin. La ferme des quatre chênes conserva son nom sur les actes notariés et sur les petits papiers d'avertissement qu'envoyait le percepteur. Mais tous les voisins l'appelèrent par affront la ferme des trois chênes. Quand on eut abattu l'arbre et qu'on voulut extraire les racines, la solidité du ponceau eut à en souffrir. Les charretiers n'y passaient plus qu'en tremblant avec leurs voitures chargées. Jean Bedelaine, qui n'était pas en fond pour le moment, mit des retards à le faire réparer. Un beau jour, il fut absolument impossible de passer. Il fallut bien alors faire venir des ouvriers. Mais comme c'était l'époque où il ne chômait guère d'ouvrage à la ville, ils se firent payer plus cher. Sans compter qu'il fallut faire passer les charrois à travers un pré dont l'herbe fut toute gâtée. Les peintres désormais n'avaient qu'à venir. Ils trouveraient dans les bâtiments, les clôtures et l'aspect général de la ferme assez de trous, de crevasses, de fentes, de tuiles non remplacées et d'objets dispersés pour produire de jolis effets de lumière et d'ombre. Le désordre pittoresque ne manquait pas maintenant. Il y en avait à revendre. Jean Bedelaine avait un oncle qui était marchand de chevaux du côté de Colmar. Le bonhomme, en faisant ses tournées, passait deux fois l'an dans le canton où se trouve la ferme des quatre chênes. Chaque fois, il s'arrêtait à la ferme et y faisait un petit séjour. C'était un homme actif et entendu dans sa partie. Cependant, il n'était pas âpre au gain, au point de ne pas consacrer de temps en temps quelques jours à sa famille. Après la mort de son frère, il commença à concevoir de sérieuses inquiétudes sur les affaires de son neveu et sur l'avenir de la ferme des quatre chênes. Il y venait aux époques accoutumées, mais chaque fois il abrégeait son séjour. « Cela me saigne le cœur, disait-il à de vieux amis. Mais que puis-je faire? Jean Bedelaine n'a pas de nerfs. Quand on lui fait des reproches, il baisse le nez et dit « Oui, mon oncle ». Mais les choses marchent après comme elles marchaient avant. S'il se fâchait au moins contre vous, il finirait peut-être par se fâcher contre lui-même. « Tenez, savez-vous ce que j'ai vu la dernière fois ?» Il était en train de compter des bottes de foin dans son grenier avec un des valets de ferme. Les voilà tout d'un coup qui cessent de compter et qui se mettent à essayer leurs forces l'un contre l'autre. C'était bien le moment. Ils se roulent sur le foin comme deux veaux, sauf votre respect. Et quand ils ont fini de se vautrer, il se lance les bottes à la tête. Il est joli maintenant son foin, et je l'engage à le conduire au marché. Pendant ce temps-là, les bêtes se chamaillaient dans la petite cour. Comme chacun en fait maintenant à sa tête, personne n'avait songé à fermer la porte de l'écurie des ânes. Martin Roux s'était échappé et avait trouvé très joli d'aller renverser l'écuelle du chien. Le chien réclama, pauvre bête, et Martin Roux lui répondit par des ruades. De jolies habitudes qu'il prend là, Martin Roux. Martin Gris, qui le regardait, tout calme qu'il est d'habitude, songeait peut-être déjà à se mettre de la partie. La vieille Martine, qui devrait avoir un peu de cervelle, se met à braire pour faire peur au chien et pour augmenter le vacarme. Les volailles s'effarouchent. La poule s'envole d'un côté, le coq de l'autre, avec des cris à fendre l'âme. Ma foi, sauve qui peut. Jambes de laine paraît à une lucarne avec du foin dans les cheveux. Le garçon se met à une autre, et savez-vous ce qu'ils imaginent de faire? Au lieu de descendre quatre à quatre l'échelle du grenier pour venir mettre le holà et renvoyer chaque bête à sa place, ils commencent à rire, je devrais dire à braire, plus fort que les ânes. Jambes de laine excite le chien qui entre en fureur et tire sur sa chaîne à s'étrangler. Le valet fait le coq, puis le chat en colère. Et voilà toute la maisonnée qui quitte son ouvrage pour venir voir la comédie. J'ai fait sur mes doigts le calcul de ce que coûte à Jambes de laine ce petit divertissement. S'il se renouvelle souvent, les huissiers sauront bientôt le chemin des quatre chaînes. Le voilà à son compte. Premièrement, le respect du maître absolument perdu. Deuxièmement, une douzaine de bottes de foin gâchées à ne pas les regarder. Troisièmement, la moitié d'une journée de travail perdue par le valet. Quatrièmement, un chien qui n'est plus bon à rien et qui peut devenir dangereux si on l'excite trop. Cinquièmement, des volailles qui ne mangent plus morceaux qui leur profitent et deviendront maigres comme des clous neufs. Sixièmement, des ânes qu'on élève à faire leurs caprices, qui seront rétifs et hargneux et qu'on vendra pour rien. Quel affront pour la mémoire de feu, mon pauvre frère! Qui est-ce qui voudra donner quatre écus de Martin Gris et de Martin Roux si cela continue? Tel fermier, telle ferme. Tout le monde chez Peter a des jambes de laine, excepté les créanciers et les huissiers. Je ferai bien d'avoir l'œil à la vente de mes chevaux, car aussi vrai que je m'appelle Christophe Scheuer, mon neveu me retombera sur les bras et je serai forcé de le faire vivre. La ferme des quatre chaînes est devenue peu à peu si pittoresque, que les peintres n'en bougent plus. En revanche, quand il a fallu la vendre, on en a tiré à grand-peine le quart de sa valeur première, juste de quoi payer les dettes de Peter. La prédiction de l'oncle Christophe s'est réalisée. Jambes de laine, devenu l'employé et non pas l'homme de confiance du marchand de chevaux, a pour toute mission de conduire d'un endroit à un autre des caravanes de chevaux attachées à la file. L'oncle le croit incapable de bien acheter tout autant que de bien vendre. Les gens du pays, quand ils le rencontrent, se disent les uns aux autres « Quel malheur que cette race des scheuers soit perdue, c'était de si bons ânes !»